Lorsque vous entendez 3 en 1 dans une publicité, vous vous imaginez que, comme d'habitude, on va vous parler d'une nouvelle crème de soin, mais certainement pas d'un aspirateur. Et pourtant, c'est avec le Triflex, le nouvel aspirateur balai sans fil 2000, que 3 en 1 prend vraiment tout son sens. Modularité unique, performance d'aspiration exceptionnelle grâce à la technologie Vortex, une efficacité optimale avec l'électrobrosse extra large. Découvrez l'innovation 3 en 1 du Triflex sur 1000.fr. 1000, immer besser. Toujours mieux. Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour de la spiritualité initialement diffusée en octobre 2019. Aujourd'hui, deuxième temps, philosophie de l'Inde, une pensée venue du ciel. Les sages errants de l'Inde pensent en marchant, à l'ombre des banyans, tout en suivant la carte secrète de leur méditation. On les croit détachés du corps, du moi et du monde, en lévitation dans un ailleurs depuis lequel ils contemplent, en souriant, les fourmis que nous sommes nous affairer et tourner en rond. Quel est leur secret? Et comment accéder à la hauteur de leur esprit? Un poète indien dirait « Puisse l'abeille goûter jusqu'à l'ivresse le nectar des pensées. » Vadanti bhavantaha avasitam kila te karyam idanim arabhyatam bhagavad gita iti mahatavat. Adau yugadasmat dvaparam pratigantavyam ayatamayasaha duram itopi duram. Arjuna dit: voici, ô Krishna, que tous les hommes de ma parenté s'avancent, avides d'une lutte fratricide. À ce spectacle, mes membres défaillent, ma bouche se sèche. Mon corps frissonne et tous mes poils se dressent. Gandiva tombe de ma main et ma chair devient brûlante. Je ne puis demeurer en place, mon esprit se trouble, je n'envisage que présages funestes. Quel bien me promettrais-je à frapper les miens dans la bataille? À pareil prix, je n'aspire, ô Krishna, ni à la victoire, ni à la royauté, ni au plaisir. De la Bhagavad Gita jusqu'à Asha Bhosle, la chanteuse de Bollywood, et on peut peut-être parler de culture indienne, de pensée indienne, d'une extrémité à l'autre de la temporalité, mais est-ce qu'on peut parler de philosophie indienne, Marc Balanfa? Bonjour Adèle Von Rett. Bonjour à vous. Eh bien écoutez, je crois que oui, on peut parler de philosophie indienne. Je vais essayer de répondre le plus facilement, le plus simplement possible. Il se trouve que les Indiens sont les plus grands grammairiens au monde, probablement. Ils ont eu une véritable passion pour la grammaire. Et je dirais qu'ils ont développé une école de rigueur et ils ont développé leur rationalité à partir de la grammaire. Et c'est également à partir de la grammaire qu'ils ont commencé à élaborer un certain nombre de réflexions et de discours philosophiques. Donc, dans la mesure où je pense que tout le monde serait d'accord pour dire qu'il n'y a pas de philosophie sans discours rationnel et sans rigueur, on peut effectivement dire sans se tromper qu'il y a bien de la philosophie en Inde. Alors, c'est pas la même chose, philosophie en Inde et philosophie indienne. Alors, il y a de la philosophie en Inde et je dirais que comme en Occident, elle s'est développée de deux manières, si on veut schématiser les choses. Elle s'est développée d'un côté dans une quête spirituelle, on en reparlera aujourd'hui justement puisque c'est le thème de l'émission, et de l'autre côté dans un certain nombre de discours argumentatifs en vue de permettre à l'homme d'avoir une connaissance la plus précise possible du monde. Donc il y aurait tout un côté qu'on appelle nous la rationalité et de l'autre côté la spiritualité. L'intérêt de l'Inde, je dirais la grande originalité de la philosophie indienne, c'est qu'elle conjugue les deux et qu'elle ne voit pas d'incompatibilité entre la spiritualité et la rationalité. Pour elle, l'une va avec l'autre. Le même philosophe peut être à la fois quelqu'un qui développe des raisonnements logiques, dans des traités de logique, et quelqu'un qui en même temps élabore des chants religieux en l'honneur d'une déesse. Et ça sera le même philosophe. Oui, c'est ça. Mais alors là, c'est pas tellement la spiritualité, c'est une forme, ou alors au sens très large, c'est un rapport à la religion. Alors là, il faut définir ce qu'on entend par spiritualité. Alors, si on veut définir la spiritualité, moi, je partirais d'une définition simple, parce que ça fait quand même pas mal d'années que j'y réfléchis, et je me dirais qu'il y a en l'être humain un désir de libération, en tout être humain, et que la spiritualité, c'est d'une manière ou d'une autre une réponse à ce désir de libération. Alors, cette libération, elle s'entend aussi bien d'un point de vue social, que d'un point de vue moral, que d'un point de vue économique. Mais je dirais que nous, dans le domaine de la philosophie, c'est avant tout libération par rapport aux préjugés intellectuels, aux rigidités mentales, par rapport à la stupidité, par rapport à ce que Platon appelait l'opinion. Et en ce sens-là, tout ce qui répond à ce désir de libération peut être appelé de la spiritualité. Et la philosophie, c'est autre chose. La philosophie, c'est élaborer des discours rationnels pour parler du monde et pour construire une réflexion sur le monde. Tandis que le désir de libération, pourquoi je dis que c'est de la spiritualité? Parce que il n'y a pas que la philosophie qui puisse répondre à ce désir de libération. Il y a aussi la poésie, il y a la poétique, il y a la musique, il y a, je dirais, un grand nombre de domaines qui peuvent répondre à ce désir de spiritualité et que j'appelle le désir de libération. Est-ce que c'est ce qui vous a conduit sur les traces de la philosophie indienne, Marc Balanfa, parce que vous êtes aujourd'hui non seulement professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, vous êtes traducteur depuis le sanskrit, spécialiste des philosophies de l'Inde ancienne, vous avez beaucoup écrit sur le sujet. On vous doit notamment des très utiles introductions aux philosophies de l'Inde, vocabulaire des philosophies de l'Inde aux éditions Ellipse. Vous avez beaucoup travaillé sur le sujet depuis des années, vous l'avez dit. Et dans une introduction à l'introduction aux philosophies de l'Inde, vous le dites, vous êtes vous-même allé sur les traces de ces sages errants de l'Inde qui pensent en marchant. J'ai lu quelques lignes de votre introduction en ouvrant cette émission. Si bien que je m'interroge sur la raison qui vous a fait, vous, prof de philo, agrégé de philosophie, aller sur les traces de ces sages indiens. Ah ben, je dirais peut-être, pas aussi fortement que Schopenhauer, mais qu'il y avait un certain ennui que j'avais ressenti sur les bancs de l'université en France. Et que cet ennui m'a poussé à partir, très simplement, et que j'ai ressenti donc ce que j'appelle aujourd'hui effectivement un désir de me libérer d'un certain nombre d'habitudes intellectuelles dans lesquelles je me sentais enfermé, et j'avais besoin de cet ailleurs, qu'on peut appeler l'Inde ou la Chine ou autre chose encore, mais pour répondre à une aspiration que je ne sentais pas satisfaite en Occident. Parce que, par exemple, je peux donner une anecdote très simple. Quand j'étais en licence de philosophie, j'avais suivi un cours qui était très intéressant, mais j'avais bien compris qu'on me demandait simplement, le jour de l'examen, de reproduire le cours que j'avais reçu. Et je me disais que, c'était autre chose que j'attendais de la philosophie. J'attendais pas simplement qu'on me demande de m'approprier des cours extrêmement bien faits, mais qu'on me demandait aussi quelque chose qui vienne de moi. Mmh. Or, j'avais pas le sentiment qu'il y avait véritablement quelque chose qui venait de moi dans mes études de philosophie. Que je pouvais même complètement mettre ce que l'on appelle le soi en Inde de côté, et que ça pouvait très bien passer. Donc, il y avait une aspiration qui n'était pas comblée. Donc, et ça m'a poussé à partir. Et quand je disais tout à l'heure qu'effectivement on peut faire de la philosophie sans répondre à ce désir de libération, j'en ai la preuve, je dirais, à la fois par l'histoire de la philosophie occidentale et même par l'enseignement de la philosophie aujourd'hui. Enfin, on peut très bien faire de la philosophie à un très haut niveau, être très fort, entre guillemets, dans la conceptualisation philosophique, dans la rationalité philosophique, sans véritablement répondre à ce que j'appelle simplement un désir de libération. Et en quoi est-ce que la spiritualité nous libère? Et de quoi nous libère-t-elle? Elle nous libère parce que... D'abord, je donne une définition tellement minimale et tellement large qu'on voit bien que c'est une définition qui ne nous enferme pas. Donc, en ce sens-là, quelqu'un qui sent en lui ce désir et qui se dit qu'il peut aller en Inde pour la satisfaire, il y a 1000 chemins qui s'ouvrent à lui en Inde. Donc, c'est en ce sens-là que je ne crois pas que la spiritualité enferme, au contraire. Mmh. Je pense que la spiritualité n'est jamais complètement satisfaite et peut toujours se reprendre. Il y a toujours l'idée de se ressourcer dans la spiritualité. Alors que dans la philosophie, on sent bien qu'aujourd'hui, ce qui arrête beaucoup de gens, c'est qu'il y a un énorme bagage intellectuel qu'il faut avoir avant d'entrer dans la philosophie. Et que si on n'a pas cet énorme bagage, on a un sentiment d'être un peu en dehors. Alors que la spiritualité, vous pouvez la commencer de façon la plus simple possible. Quand vous parlez à un Indien ou quand vous parlez à une personne dans la rue en France et que vous lui demandez voilà, de quoi voudriez-vous vous libérer, la personne comprend tout de suite votre question et elle peut enchaîner. Alors que si vous lui demandez que pensez-vous de Descartes, la personne sera complètement interdite parce qu'elle sent très bien qu'elle n'a pas les compétences pour parler de philosophie. Mais n'est-ce pas sur cette distinction que surfe l'éclosion de ce qu'on appelle le développement personnel, à savoir un certain rapport à la spiritualité qui nous ferait nous sentir beaucoup mieux? Alors là, je vous remercie de votre question parce que il se trouve que je parle souvent de cela à l'université où je suis chargé de cours, pour montrer à mes étudiants que ce qu'on appelle le développement personnel n'a strictement rien à voir avec la spiritualité. Parce qu'en réalité, on ne parle pas de soi, on en reparlera dans cette émission, oui. Mais on parle du moi. Or, s'il y a bien une distinction... Dans le développement personnel. Voilà, dans le développement personnel. Or, s'il y a bien une distinction qui est essentielle à la racine de la philosophie indienne, c'est la distinction entre soi et moi. Tant que je parle de moi, je ne risque pas de me libérer. Au contraire, je m'enferme dans un discours qui est un discours narcissique, égocentrique, où, comme je le dis quelquefois pour m'amuser à mes étudiants, on peut être en psychanalyse pendant 30 ans. Et ça montre bien qu'il y a un échec, hein, d'une certaine manière, parce que on peut pendant 30 ans trouver dans son moi de quoi parler comme ça à l'infini de ses parents, de son enfance, de ses douleurs, de ses angoisses. Mais l'Inde dit bien que le soi, ça n'a rien à voir avec le moi. Or, cette distinction n'a jamais été faite en Occident, me semble-t-il. Alors ça, on sera amené à en reparler. Et je crois que c'est une des grandes forces de la philosophie indienne aujourd'hui. Et sans doute un de ses grands centres d'intérêt, c'est que parler de soi, ce n'est surtout pas parler de son moi. Alors, on reviendra sur cette distinction cruciale entre le soi et le moi dans un instant. D'abord, avant d'entendre un premier texte, dites-nous, lorsque vous parlez de philosophie de l'Inde, à quoi est-ce que ça renvoie? Est-ce que le lieu géographique qu'est l'Inde suffit à mettre sous un même chapeau le bouddhisme, le jaïnisme, l'hindouisme, par exemple? L'Inde, il y a eu ce qu'on a appelé aussi une grande Inde. C'est-à-dire que, par exemple, à l'époque d'Alexandre, l'Inde englobait l'Afghanistan actuel et le Pakistan. Donc, évidemment, c'était c'était un territoire extrêmement vaste. Dans ce territoire extrêmement vaste, pourquoi je parle de l'Afghanistan? Parce qu'il se trouve que le bouddhisme était extrêmement bien représenté en Afghanistan. Et qu'on sait qu'il y avait des penseurs qui allaient jusqu'en Afghanistan pour enseigner. Donc si on se donne cette aire géographique extrêmement vaste, on peut dire qu'effectivement, la philosophie indienne regroupe aussi bien ce qu'on appelle le courant brahmanique, développé par les brahmanes, que le courant bouddhique et que le courant jain. Bon, on va laisser la parole au bienheureux. The Gita's main task is to remove this illusion, this sense of personal attachment. In this, the 15th chapter, all the ideas of the Gita find their fulfillment. In this chapter, the supreme truth is revealed. Les sages évoquent un figuier éternel. Ses racines sont tournées vers le ciel, ses branches vers la terre, et ses feuilles sont les hymnes sacrés. Le connaître, c'est connaître le sacré. Ses ramures s'étendent vers le bas comme vers le haut. Les trois qualités sont la sève qui le nourrit, les objets sensibles, ses bourgeons, et les chaînes des actes, les racines qui redescendent dans le monde des hommes. Nul ici-bas ne peut le percevoir sous cette apparence. Ni ses limites, ni son origine, ni sa durée ne sont connues. Le figuier sacré a poussé loin ses racines, si bien qu'il faut pour le couper la lame affûtée du détachement. Celui qui parvient ensuite à remonter jusqu'à sa souche se délivre alors des renaissances et peut dire « j'atteins maintenant la conscience primordiale où la croissance de l'arbre puise sa force depuis toujours ». Asanga Shastrena Dridhena Che. parimargitavyam yasmin gata nanivartanti bhuyah. Dans le texte que vous venez d'entendre sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, c'est le bienheureux qui prend la parole. Le bienheureux ici, c'était Georges Claisse qui a lu pour vous le chant 15 de la Bhagavad Gita, intitulé De la conscience suprême, dans lequel, Marc Balanfin, on y trouve l'exemple de l'arbre. Les auditeurs familiers de l'histoire de la philosophie française savent que pour Descartes, l'arbre est un symbole clé justement pour essayer d'expliquer comment fonctionne la connaissance humaine et que cet arbre a des racines qui sont, pour Descartes, la métaphysique. Ici, ce que l'on apprend dans ce texte, c'est que les racines de ce figuier éternel sont tournées vers le ciel. Est-ce que ça veut dire que la source même de la pensée est céleste ? Cette image de l'arbre, ce n'est pas une image qui est née dans la Bhagavad Gita. Hein. C'est une très ancienne image, puisqu'on la trouve dans le Rig Veda. Donc le Rig Veda, qui est le plus ancien des Védas de l'Inde, c'est 15e siècle avant notre ère. Donc c'est dire vraiment que c'est une image à la fois sacré pour les brahmanes et je dirais qui est le socle de leur culture. Alors évidemment, il y a plusieurs interprétations possibles. Un brahman, je dirais, des temps védiques, par exemple un brahman de l'époque du Rig Veda, aurait certainement interprété ce passage en disant que l'arbre puise effectivement sa source et sa sève dans le ciel, c'est bien dire parce que le ciel c'est la demeure des dieux et que donc l'arbre doit aller chercher chez les dieux et dans leur demeure la sève qui doit ensuite nourrir les êtres humains. Bon, ça serait la première interprétation védique. Maintenant, si on donne une interprétation plus philosophique conforme à la Gita, c'est une manière de dire qu'effectivement on peut pas simplement s'intéresser à la vie terrestre, qu'il faut s'intéresser aussi à quelque chose qu'on peut appeler l'au-delà, ou à une vie qui serait au-delà, qu'on peut appeler vie céleste, ou peu importe, qu'on peut appeler l'idée d'une libération. Parce qu'effectivement, dans le texte qui vient d'être lu, on dit bien qu'il faut se délivrer. Or, délivrer et libérer, c'est le même mot hein, qui est traduit différemment. C'est le verbe « mouch ». Donc, se délivrer de ce circuit de renaissance, c'est-à-dire de ce qui s'appellera le samsara aussi, cette idée qu'on reprendra, qui sera reprise dans tout l'hindouisme, l'idée selon laquelle l'homme aurait plusieurs naissances, donc des vies passées et ensuite des vies futures, et que tout cela forme une espèce de cercle qui tourne éternellement, et que si on veut s'en échapper, il faut pouvoir trouver effectivement une source qui serait en dehors de ce cercle. Or là, cette source, on voit bien que, effectivement, c'est ce qu'on peut, nous, aujourd'hui, appeler la spiritualité. Et ce qui confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on ne cherche pas à se libérer de ce qui nous enchaîne, c'est-à-dire de ce qui nous empêche de répondre à l'aspiration, je dirais, qui est en chacun de nous, on est dans la souffrance. Et là, c'est un point commun entre le brahmanisme et le bouddhisme, c'est-à-dire que le point de départ, c'est la condition mortelle est quand même plutôt dans la souffrance, plutôt dans la servitude. Il faut accepter ce postulat. Pourquoi ? C'est pas du pessimisme, contrairement à ce que disait Schopenhauer. C'est au contraire simplement un constat. La majorité des hommes sur la Terre aujourd'hui sont dans la souffrance. Seule une minorité a le privilège de pouvoir dire qu'ils sont heureux. Or, c'est pour cette majorité de gens que la philosophie est faite. C'est-à-dire, c'est à eux que la philosophie doit apporter une forme de salut, de libération. Mais qui sera forcément dans une autre vie que celle-ci ? Non, pas nécessairement dans une autre vie. Parce qu'après, il y a la question de l'au-delà. Or, on voit bien que, par exemple, entre les bouddhistes et les brahmanes, il y a des divergences. Les brahmanes disent, on croit à cet au-delà. Les bouddhistes disent, on n'a même pas besoin d'y croire à cet au-delà. Il faut faire comme s'il existait. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'il y a quelque chose qui répondra à notre aspiration à la libération. Que cette autre chose s'appelle l'au-delà, ou que ça s'appelle le nirvana, comme disent les bouddhistes, c'est-à-dire l'extinction, ou que ça s'appelle encore autrement, peu importe. Il suffit de se dire simplement que ce désir de libération peut un jour être satisfait. Peu importe comment. Quand tout à l'heure je parlais de la musique en Inde est extrêmement importante. Et dans la musique, qui peut durer par exemple toute une nuit, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre d'une libération. Hein. Parce qu'effectivement, on laisse son corps se porter, enfin en tout cas se transporter par la musique. Donc les Indiens acceptent tout à fait l'idée qu'il y a plusieurs voies vers la libération. Ça a toujours été une constante dans la culture indienne. Il n'y a pas une seule voie. Et quelle serait la voie religieuse ? justement, quel statut faut-il accorder à cette Bhagavad Gita ? C'est un texte religieux, un texte mythologique ou un texte philosophique ? Au départ, c'est un texte littéraire, ça fait partie de ce qu'on appelle la Smriti, donc la littérature, et c'est avec les siècles que les brahmanes lui ont donné un sens sacré. Mais ils ont bien conscience qu'ils ont, en quelque sorte, opéré un coup de force. Parce que d'un texte purement littéraire, ils ont voulu faire un texte sacré. Ce qui est relativement rare, en fait, dans la culture. Parce que sacraliser un texte qui, au départ, est purement littéraire, c'est presque unique, en fait, dans la culture humaine. Alors, y ont-ils réussi ? Je crois qu'ils y ont... Effectivement, ils y sont parvenus, puisque, par exemple, quelqu'un comme Gandhi, au XXe siècle, lira la Gita, plus du tout comme un texte littéraire, mais pour lui, comme un texte sacré. Et qu'aujourd'hui, il est indéniable que pour beaucoup d'hindous, s'attache à ce texte, effectivement, une teneur et une charge véritablement sacrée. Bhagavan signifie le bienheureux, Gita, le chant. Voilà. Et c'est dans ce texte qu'on trouve la distinction entre les quatre ordres qui viennent assurer, garantir l'harmonie de la société. La naissance de ces quatre classes, les brahmanes, les kshatriyas, les guerriers, ensuite les agriculteurs, les artisans et ensuite les serviteurs, on la trouve déjà dès les Védas. Dès le Rig Veda dont je parlais tout à l'heure, donc c'est dire elle est extrêmement ancienne. C'est dire combien la littérature, la philosophie et disons une forme de culture qui va imprégner la vie sociale ensuite et la vie politique est déjà présente dans ces textes dits littéraires. Absolument. Dire combien les choses sont complètement imbriquées. Oui, absolument. Et à partir de quel moment est-ce que ce texte-là va pouvoir être lu comme un texte qui serait aussi philosophique ? Vous parlez des brahmanes et vous parlez de la façon qu'ont eu les brahmanes justement d'investir ce texte d'une certaine façon. C'est à quelle époque ça ? Ben disons que ça commence avec pas avant le 8e siècle de notre ère. C'est-à-dire qu'il s'est passé, alors que, bon, je continue de penser que la Bhagavad Gita a été composée au 2e siècle avant notre ère, donc il s'est passé quand même 10 siècles. Il a fallu 10 siècles pour que ce texte soit de moins en moins lu comme un texte littéraire, de plus en plus lu comme un texte philosophique et sacré. Et évidemment, les brahmanes y ont joué un grand rôle, en particulier donc l'un d'entre eux qui s'appelait Shankara, et qui a été le fondateur d'une grande école philosophique qu'on appelle le Vedanta, l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire l'école de la non-dualité. On trouve dans ce texte, si on y revient, ce figuier éternel, le banyan, n'est-ce pas ? C'est le nom de ce figuier. Donc j'ai dit au début, les racines sont tournées vers le ciel, mais ensuite les racines changent de direction. Elle semble revenir vers la terre. Il y a une forme de chemin à suivre avec la connaissance qui part du ciel et qui va ailleurs. Comme si finalement, cette réflexion-là était aussi une affaire de trajectoire, que la connaissance part d'un endroit pour aller ailleurs. Les brahmanes, aussi bien que les bouddhistes, ont conscience qu'ils bénéficient d'un avantage, c'est qu'ils ont eu par héritage un savoir qui était le savoir sacré des Védas. Bon, à partir de ce savoir-là, dont la plupart des gens étaient exclus, dont les femmes étaient exclues, dont toutes les autres classes, autres que celles des brahmanes, étaient exclues, ils se sont dit que leur mission, en quelque sorte, était de porter une forme de connaissance philosophique et sacrée à destination de tous les hommes. Et pas seulement donc à destination des brahmanes. Donc effectivement, c'est en ce sens-là que je comprends ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'on va chercher une inspiration donc dans un ailleurs, dans un au-delà, peu importe qu'on y croit ou non. Certains en Occident appelleraient ça la transcendance, pourquoi pas. Mais il se trouve qu'en Inde, je crois plutôt qu'on reste dans l'immanence, et toujours dans l'immanence, puisque les dieux eux-mêmes font partie du monde. Donc il n'y a jamais de réelle transcendance. Les dieux ne sont jamais hors du monde. Mais ils sont dans un au-delà. Ils sont dans un au-delà au sens où ils bénéficient d'un statut et d'une vie dont ne bénéficie pas la majorité des hommes. Donc, on va chercher une certaine inspiration dans un au-delà pour ensuite pouvoir tenir un discours à destination de tous les hommes. Mais pense-t-on, dans la philosophie de l'Inde, pouvoir avoir accès à ce monde-là ? Oui, alors on pense qu'on y a accès à condition, alors là effectivement c'est la culture du yoga qui, je dirais, qui va se charger de cette mission en quelque sorte, de cette méthode, qu'elle va mettre au point cette méthode, c'est-à-dire qu'il faut purifier son mental, il faut discipliner son mental, parce qu'il y a une autre distinction qui est essentielle dans la philosophie indienne, brahmanique, d'origine brahmanique, c'est la distinction entre le mental et la conscience. La conscience, pour aller chercher cette inspiration dans l'au-delà, elle doit se purifier du mental. C'est-à-dire que on ne pense pas que ça soit une élévation mentale ou une élévation de la pensée, mais on pense que c'est une élévation de la conscience. Donc il faut accepter ce postulat, c'est le deuxième postulat important de la philosophie indienne. à côté du postulat « moi, soi », le deuxième postulat important, c'est que le mental, ce n'est pas la conscience, ce n'est pas le mental. La conscience, c'est aller chercher une inspiration en dehors du mental. Alors, pour essayer de comprendre ça, on peut prendre des exemples de textes bien précis, puisqu'on a insisté sur la dimension littéraire de ce qu'on a appelé la philosophie indienne. On a entendu un extrait de la Bhagavad Gita, même un extrait de chanson. Je rebondis sur ce que vous disiez sur l'école de pensée du yoga. On trouve, par exemple, des textes qui ne sont pas du tout imagés ni mythologiques, mais très presque directifs. J'en lis un court extrait, aphorisme 4. « Le recueillement se conforme aux activités mentales. » Commentaire de Vyasa, quand l'esprit se met à agir, le principe conscient s'identifie à lui et en est altéré. Ce dont témoigne la proposition suivante, il existe la pensée et elle seule. Or, la connaissance est une pensée. Sous commentaire de Vakaspati Misra, quand s'éveillent les activités de l'esprit, qu'elles soient marquées par l'apaisement, l'agitation ou l'égarement, le principe conscient ne peut pas s'identifier à elle. Il se conforme, dit l'aphorisme. Dans ces quelques lignes, Marc Balanfa, on entend qu'il y a toute une armature théorique extrêmement, alors pas rigide, mais en tout cas très claire. Là, vous avez parfaitement raison. Là, ce commentaire philosophique que vous venez de lire, donc des Yoga Sutras, les aphorismes donc du yoga, explicite le postulat dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire que tant que la conscience se confond avec la pensée, il n'y a pas de libération possible. Parce que les perturbations de la pensée vont aussi devenir les perturbations de la conscience. Donc si on veut arriver à quelque chose que j'appelle la libération, qu'on appelle en Occident la sagesse, si on veut arriver à une forme de sagesse, il faut bien séparer l'activité mentale de l'aspiration de la conscience. Autrement, tant qu'on prend l'un pour l'autre, on n'a aucune possibilité de libération. Dans la mesure où le mental n'est jamais apaisé et en permanence soumis à des perturbations qui viennent de ce qu'on appelle les tourments dans les Yoga Sutras, c'est-à-dire des tourments moraux, des tourments psychologiques, ce que le bouddhisme appellera des pensées négatives. Donc dans la mesure où le mental n'est à aucun instant tranquille, aucun instant en paix, si on ne sépare pas la conscience du mental, la conscience elle-même donc ne connaîtra jamais le repos. Voilà pourquoi, donc, effectivement, le commentateur insiste sur le fait que la conscience se prend pour le mental. Et tant qu'elle se prend pour le mental, elle est aliénée. Mmh. Elle est ce qu'on appellerait aliénée. Donc là, il y a quelque chose vraiment d'essentiel parce que chaque fois que j'en l'évoque avec mes étudiants, je vois bien qu'ils ont une difficulté à le comprendre. C'est qu'en Occident, on a plutôt tendance à confondre la pensée et la conscience. Alors que dès les Yoga Sutras, c'est-à-dire dès le 3e siècle avant notre ère, la distinction est clairement faite entre la conscience d'un côté, ses aspirations, son désir, et la pensée et le mental. Parce que pensée et mental sont pris pour des synonymes l'un pour l'autre. Mais ça veut dire que c'est la connaissance elle-même qui peut nous approcher du réel ou c'est aussi une forme de pratique? Parce que forcément, quand on parle de yoga, on imagine que ça passe par le corps, que c'est une forme de pratique, que c'est pas la connaissance. C'est pas la connaissance, parce que comme le texte le dit que vous venez de lire, la connaissance est toujours une forme de mental. La connaissance est toujours du côté de la pensée. Mais alors quelle place reste-t-il pour la philosophie alors? En tant que discours rationnel tel que vous le dites, même qui implique aussi la mythologie, mais qui, tel que vous le définissiez, le type de discours que vous définissiez en début d'émission, là, c'est plus de la philosophie. Si, parce que la philosophie est importante dans la mesure où elle est la construction conceptuelle. Si vous voulez, c'est un peu comme l'image de l'échelle. C'est comme l'échelle. Wittgenstein reprendra cette image de l'échelle. On a besoin de construire une échelle avec des échelons, avec des barreaux, parce qu'il faut gravir cette échelle. Et une fois qu'on est en haut de l'échelle, eh bien, on repousse l'échelle. Mais si vous n'avez pas construit d'échelle, vous ne pourrez jamais repousser l'échelle. Donc la philosophie, c'est la construction de l'échelle et la construction des barreaux de l'échelle. Mais une fois qu'on est arrivé au sommet de l'échelle, il est clair que là, on accède à autre chose, qui est le domaine de la conscience. C'est un moyen. C'est un moyen. La philosophie est un moyen. Je te présente... Lama Norbu. Din, mon mari. Ah, bonjour. Ces messieurs admirent l'espace et le vide des pièces de la maison. Aucun lieu n'est vide lorsque l'esprit est rempli. On apprend cela en prison, dans une cellule. Nous sommes des bouddhistes du Tibet. Depuis bien des années, nous vivons dans l'exil. Et nos frères nous hébergent au Bhoutan, au Népal... Et en Inde. À la suite de l'occupation, en 1959. Nous autres bouddhistes tibétains, nous croyons que tout le monde renaît. Oui, tout le monde. Encore et encore. Mais nous croyons aussi que parfois, il arrive qu'un homme hors du commun revienne pour être un guide spirituel sous la forme d'une personne qu'il nous est possible d'identifier. Voilà pourquoi nous sommes ici. Aphorisme 1. La connaissance vraie est un préalable à la réalisation de tous les buts de l'homme. Voilà pourquoi on doit élucider son origine. Aphorisme 4. La connaissance perceptive est libre de toute construction. De plus, elle ne trompe pas. Aphorisme 5. La construction est une cognition où ce qui apparaît est susceptible d'être relié à une expression verbale. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Vendrette. Et on parle de spiritualité cette semaine, aujourd'hui de spiritualité dans la philosophie indienne en compagnie du philosophe Marc Balanfa. On a entendu un extrait de Little Buddha, le film de Bertolucci qui date de 1993, qui correspond à peu près à l'image que les occidentaux se font de la philosophie indienne, ou en tout cas du bouddhisme, qui n'est qu'une partie de cette philosophie. Et j'ai lu ensuite trois aphorismes qu'on trouve dans l'école de pensée dite de bouddhisme logique. On retrouve le même type de texte que j'ai lu avant en ce qui concernait l'école du yoga, l'école de pensée du yoga. Quand on entend les deux, l'un à la suite de l'autre, le contraste est flagrant. D'un côté, on se dit, le bouddhiste, c'est celui qui médite dans un temple et qui apprend à se détacher du monde. Et de l'autre, on se dit, mais alors les phrases que l'on lit sont aussi techniques que les phrases de Wittgenstein et il faut des années d'études pour les comprendre, Marc Balanfa. Exactement. Mais vous voyez ce que vous venez de lire correspond très bien, et en tout cas, je dirais, confirme vraiment le propos que j'essayais de tenir au début, c'est-à-dire que on peut être à la fois un ardent défenseur de la conceptualisation, par exemple si on est un logicien, bon, ce logicien qui s'appelait Dharmakirti est considéré sans doute comme le plus grand logicien donc de l'école bouddhique, et l'ouvrage s'appelle, pardonnez-moi parce que c'est trop beau quand même, « Une goutte de logique ». Voilà, c'est ça, oui. Nyaya Bindu, une goutte de logique. C'est toujours très ironique les titres que les étudiants. C'est ironique, ah oui. C'est un peu ironique parce que c'est une manière de dire voilà, je destine une petite goutte à mes étudiants parce comme que l'homéopathie. Parce que je pourrais sinon les effrayer si vraiment je voulais leur montrer tout mon savoir. Mais par exemple, ce même auteur était capable de s'intéresser également à l'alchimie et à la magie. C'est-à-dire que si je reprends ce que je disais au tout début, il n'y a aucune incompatibilité entre faire preuve de rigueur conceptuelle et grammaticale en rédigeant donc des sutras, c'est-à-dire ce qu'on appelle des aphorismes. Et là, effectivement, il faut toute la rationalité donc d'un esprit et d'un mental extrêmement fort pour y arriver. Et, pas dans le même livre, mais dans un autre livre, avoir tout à fait conscience que ce n'est qu'un début, que ce n'est qu'un moyen pour atteindre un état de conscience qui, lui, n'a rien à voir avec la rationalité et qui peut avoir affaire avec des choses même parfaitement irrationnelles. Donc, pour un bouddhiste comme Dharmakirti, l'un était parfaitement compatible avec l'autre. Et pourtant, Dharmakirti est vraiment considéré comme le père de la logique indienne. Et pour un Indien, il n'y a aucune incompatibilité. Et moi, je dirais que de ce point de vue-là, je suis parfaitement indien. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'écoute de la musique de Bach, j'ai tout à fait conscience qu'il y a cette structure mathématique qui est absolument extraordinaire dans les concertos ou dans ces sonates. Et en même temps, j'ai bien conscience que ça me fait accéder à quelque chose qui est bien au-delà des mathématiques. Mais est-ce que ça veut dire que la notion même de vérité est complètement évacuée? De vérité entendue comme adéquation entre un discours et une réalité, par exemple? Pour les Indiens, c'est pas la question de la vérité qui est importante, c'est la question de la libération. Oui, c'est ça. C'est pas tout à fait la même chose. C'est même pas du tout la même chose. Voilà. À moins de considérer que la vérité réside dans les libérations. Effectivement, pour eux, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont bien conscience que on peut construire un discours philosophique extrêmement intéressant, extrêmement fort, mais si ce n'est pas le moyen d'accéder à autre chose, à quoi bon? Il faut que ça permette d'accéder à autre chose, que nous appelons la sagesse en Occident. Parce que, bon, là aussi, on pourrait revenir à notre propre tradition et se dire, mais pourquoi aujourd'hui, la philosophie ne signifie-t-elle plus l'amour de la sagesse. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de sagesse dans l'université française ? Et pourquoi, pensez-vous ? Ben, Pierre Hadot avait répondu à ma place, hein, parce qu'on a oublié cette tradition-là. Pierre Hadot, pourtant, a tout fait pour remettre à jour cette tradition. Mais on voit bien que, voilà, il allait un peu quand même à contre-courant. Moi-même, je me réfère à Pierre Hadot, par exemple, dans mon introduction à ma traduction de la Bhagavad Gita. Parce que, effectivement, je pense que là, il y a des points communs, des passerelles possibles entre la méditation indienne et la méditation européenne. Alors, je n'oublie pas, et je l'ai promis, hein, la distinction entre le moi et le ça, mais, et le moi et le soi. Et le soi. Quel lapsus Freud sort de ce corps, de cet esprit, de cet inconscient en tout cas. Avant cela, encore un point, parce que je vous ai demandé, vous avez évacué la question assez vite, je vous ai posé la question de savoir si il était possible d'atteindre le monde réel, le monde en lui-même, dans ces philosophies-là, justement. Est-ce que ça avait un sens? La vérité n'a pas vraiment de sens, elle est secondaire. Mais est-ce qu'on peut parler des choses en elles-mêmes? Est-ce qu'on peut prouver que le réel existe, par exemple? Et on a pris deux exemples, l'école de la pensée du yoga, la goutte de logique, hein, du bouddhisme logique. En voici un troisième, c'est l'école de pensée du jainisme, ou jainisme, hein, qui fait partie aussi de la philosophie indienne. Et là, on trouve, alors cette fois-ci, ce ne sont pas des aphorismes, mais des stances, où il me semble que la question est à nouveau abordée, par exemple, la 28e stance, il a écrit « L'objet peut être connu de trois manières. Il existe absolument. Il existe. Il se peut qu'il existe. Selon le mauvais point de vue, le point de vue affirmatif et le discours de la vérité, on trouve le mot. Mais toi, tu vois la réalité en suivant le chemin du point de vue affirmatif et celui de la vérité. Fuis le chemin du mauvais point de vue. » Ici, il me semble qu'il y a une affirmation claire de la position par rapport à cette réalité. Oui. Mais alors, l'école Jain, effectivement, qui a été aussi une école très importante, d'ailleurs, elle était assez proche de l'école bouddhique. C'était les deux grands adversaires du brahmanisme, hein, les Jains et les bouddhistes. Donc, ils formaient souvent un couple, d'ailleurs, dans les débats, sans doute, contre les brahmanes. Mais là, il y a quelque chose d'important dans ce qui est dit par cette composition Jain, c'est que il y a plusieurs points de vue possibles sur la réalité. Et il y aura toujours même, il y a certains textes même qui disent qu'il y a une infinité de points de vue possibles sur la réalité. Alors, il se peut qu'un de ces points de vue soit un point de vue qu'on appellerait la vérité, mais ça serait une vérité conventionnelle. Parce que si nous arrivons à nous mettre d'accord sur un certain nombre d'assertions ou sur un certain nombre de postulats, il n'est pas interdit de se dire qu'il y aurait une vérité possible, mais ça serait une vérité de convention, dont il faut bien distinguer, aussi bien pour les Jains que pour les bouddhistes, ce qu'ils appelleraient une vérité transcendantale, c'est-à-dire une vérité libératrice, qu'elle est là d'un autre ordre. Donc on peut parler de vérité, sachant que ça sera toujours une vérité conventionnelle. D'ailleurs, quelqu'un par exemple comme Poincaré, qui a été quand même un très grand savant, n'admettait qu'une vérité, c'était la vérité conventionnelle. C'était un pur conventionnaliste. Il ne croyait pas du tout à une vérité qui serait la réalité montrée nue. Non, il disait que, bon, à ses yeux, ça n'avait aucun sens. Mais toutes les perspectives ne se valent pas. Fuis le chemin du mauvais point de vue. Il y a un mauvais point de vue. Bien sûr, toutes les perspectives ne se valent pas parce qu'il y a des perspectives qui nous enferment ou qui débouchent sur des apories, sur des impasses. Alors qu'il y a des chemins qui débouchent sur quelque chose. Mais encore faut-il prendre ce chemin. Il y a toujours quelque chose de très pragmatique, à la fois chez les brahmanes, chez les jains et chez les bouddhistes. Leur pragmatisme, c'est que tant qu'on n'a pas pris un chemin, on ne peut pas savoir où il mène. Donc il faut le prendre. Il faut aller jusqu'au bout de son chemin. Et si on voit qu'il mène à quelque chose, alors on se dit qu'on a eu raison de le prendre. Mais si on voit qu'il ne mène à rien, eh ben on prendra un autre chemin. Il y a toujours la possibilité de prendre un autre chemin. Un commentateur que vous avez cité tout à l'heure, qui s'appelle Vachashpati Mishra... C'est pas moi qui l'ai cité, j'aurais été bien incapable. Mais en tout cas, j'ai bien reconnu son nom. Et quelqu'un qui a écrit des commentaires sur toutes les grandes écoles brahmaniques. Donc c'est bien l'idée qu'à ses yeux... On peut écrire un commentaire aussi bien sur une école de non-dualité que sur l'école de la dualité, que sur l'école de yoga, que sur l'école du Samkhya. D'ailleurs, le mot darshana, qu'on traduit par philosophie, est un mot qui signifie simplement le point de vue. C'est ça. La philosophie en Inde, ce n'est jamais qu'un point de vue qu'on prend sur la réalité. Alors, une fois qu'on est dans ce point de vue, on essaie évidemment de le rendre le plus cohérent possible, le plus systématique possible. Mais il ne faut jamais s'enlever de l'idée qu'on est dans un certain point de vue. Et qu'on n'est jamais dans la vérité. Parce que la vérité, ce serait la totalisation des points de vue. Mais qui est capable de totaliser tous les points de vue? Personne. En tout cas, aucun être humain. Seul l'omniscient, c'est-à-dire le Bouddha, pourrait le faire. Ou le jina. Si tout est une question de point de vue, ça veut dire qu'il faut accorder de l'importance à la source de ce point de vue. Et donc peut-être à l'individu, j'ose ce terme occidental, d'où émane ce point de vue, ce qui nous conduit à la question de cette personne-là, de ce moi, ce que nous appelons le moi, et que la philosophie indienne appelle le soi, ce qui est très différent. Je vous propose qu'on écoute enfin ce texte. Qui suis-je, hein, donc la question du soi. C'est un texte que je vous laisse peut-être présenter avant qu'on l'écoute, parce qu'il faut peut-être qu'on puisse le situer pour mieux l'entendre. Alors c'est un texte donc extrait de la Brihada Aranyaka Upanishad, hein, l'Upanishad du grand forestier. Donc c'est la plus ancienne Upanishad, 6e siècle avant notre ère, qui est considérée comme vraiment une Upanishad qui annonce les écoles de philosophie indienne qui se développeront donc pas avant le début de l'ère commune. Et donc, en ce sens-là, c'est un texte très important parce que il met en place un certain nombre de concepts, et en particulier le concept de soi, dont vont ensuite s'emparer un certain nombre de philosophes du brahmanisme. Et contre toute attente, contre l'idée reçue que l'on a de ces philosophies où le soi serait secondaire, il faudrait une forme de dissolution absolue de la pensée dans le monde et dans le cosmos. Au contraire, connaître le soi est fondamental. Écoutez. Si un homme connaît le soi en comprenant « je le suis », sous l'empire de quel projet, de quel désir pourra-t-il rester à la remorque du corps et de ses misères? Celui qui s'est éveillé au soi, qu'il a retrouvé dans le sombre labyrinthe du corps, devient le créateur de l'univers, l'auteur de toute chose. C'est ici-bas que nous avons à connaître cela, faute de quoi il n'y aurait qu'ignorance et grande misère. Quand on a rencontré l'évidence du soi, de ce Dieu qui règne sur l'avenir comme sur le passé, on n'est plus tenté de s'en détourner, car c'est sous son égide que l'année déroule le cours de ses jours. Que le brahmane perspicace, après l'avoir discerné, pratique la sagesse sans s'épuiser en longs discours. Ce vaste soi sans commencement, qui réside sous forme de conscience parmi les souffles, repose dans l'espace à l'intérieur du cœur, commandant et président à toute chose. C'est de lui que les brahmanes cherchent à s'approcher à travers l'étude des Védas, les sacrifices, les dons, l'ascèse. Et c'est justement parce qu'ils savaient cela que les sages de jadis ne désiraient pas avoir de descendance. Que ferions-nous d'une postérité, disaient-ils, nous qui avons déjà trouvé dans le soi le lieu du salut? Et ils embrassaient la condition de mendiants religieux. Désirer des fils, en effet, revient à désirer des richesses. Et désirer des richesses, c'est désirer un lieu de salut. Quant au soi, on peut dire de lui seulement qu'il n'est pas ainsi. Insaisissable, car on ne le perçoit nulle part. Invulnérable, car rien ne l'entame. Sans attache, car il ne se lie à rien. Étranger à la souffrance, hors d'atteinte. Des arguments pour ne pas vous reproduire, ce texte vous en fournit. Que ferions-nous d'une postérité, disaient les sages, nous qui avons déjà trouvé dans le soi le lieu du salut. Marc Balanfa, dites-nous, vous l'avez déjà un peu esquissé en début d'émission, mais rappelez-nous, quelle est la différence entre le soi, dont il est question ici, et le moi? Alors, le dire en quelques mots, ça va être difficile. Il vous reste 7 minutes. Ce sont des traités entiers qui ont été consacrés justement à cet objet. Je voudrais juste revenir un petit peu sur le mot individu que vous avez utilisé tout à l'heure, mais qui est tout à fait justifié pour l'Inde. Hein. Ah. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le sociologue Louis Dumont, donc dans Homo Hierarchicus, qui avait très bien montré que l'individu en Inde, c'est le renonçant des Upanishads. C'est-à-dire que c'est avec les Upanishads, avec celui qui s'appelait le Mumukshu, celui qui désire se libérer, que va commencer quelque chose comme l'individu. Parce que c'est celui qui est en rupture avec l'ordre social, avec en rupture avec les obligations familiales, et qui décide de devenir un renonçant. Donc, de façon assez paradoxale, l'individu en Inde, c'est le renonçant. C'est-à-dire qu'il faut admettre cette coupure avec la société, avec la famille dont vous avez parlé, effectivement, avec la postérité, pour construire quelque chose comme un individu. Et un individu donc qui se définit par soi. Alors qu'est-ce que c'est qu'un individu qui se définit par soi ? Parce qu'ils ont très rapidement compris que l'individu qui se définit par moi, c'est l'individu donc qui va toute sa vie passer dans des conflits, puisque le moi est la source du conflit. Donc plus j'affirme mon moi, je me pose en m'opposant aux autres, je m'oppose en m'opposant à la société, etc., etc. Donc je passerai ma vie dans la souffrance, dans le conflit. Or, le mumukshu, l'individu des Upanishads, c'est celui qui désire se libérer, et en particulier se libérer de la souffrance. Donc, se libérer de la souffrance, c'est tourner le dos au moi. C'est la première étape. À partir du moment où on a compris que le moi donc est la souffrance, d'où peut venir ce désir de libération ? Eh bien, les penseurs des Upanishads disent, il vient de soi. Il n'y a que soi qui peut être à l'origine de ce désir de libération. Puisqu'en l'être humain, il n'y a pas 36 possibilités. Si ce n'est pas le moi qui désire se libérer, il faut donc trouver un autre nom pour nommer cette source de la libération. Et ils ont donné le nom de soi. Pourquoi ce soi ? Parce qu'au départ, c'est un pronom réfléchi, Atman. Donc c'est l'idée que, comme dans la grammaire française, d'une action qui revient vers le sujet. Donc il y aurait l'idée que, au lieu d'être en permanence tourné vers le monde, tourné vers les autres, sachant qu'en étant tourné vers les autres, on risque souvent de se retrouver dans des conflits, dans des querelles. Il faut, à un moment ou à un autre de sa vie, se tourner un peu vers soi. C'est bien ce qu'on dit aussi en français. Et donc, ils ont bien conscience que, je dirais, il fallait trouver une autre source que le moi. Or, dans la grammaire en sanskrit, qui est une langue indo-européenne, cette autre source, elle venait naturellement, c'était soi. Et donc c'est à partir de là, je dirais, donc à partir d'une réflexion grammaticale, qu'ils vont élaborer cette distinction entre moi et soi. Donc soi, c'est reconnaître qu'on ne s'oppose pas au monde, qu'il faut cesser de s'opposer à quoi que ce soit, il faut se poser sans s'opposer. Mmh. Et se poser sans s'opposer, c'est être soi, c'est devenir soi, tout simplement. Et c'est à partir de là qu'ils vont développer effectivement un certain nombre de réflexions et qu'ils vont, je dirais, thématiser la distinction entre moi-soi. Ce qui signifie donc qu'il y a une pensée de... Alors voilà, je disais de l'individu, mais qu'il y a la distinction entre soi et le monde est à creuser pour devenir soi. Absolument, elle est à creuser. Parce que ces penseurs disent bien qu'en permanence, il faut revenir à la source de cette distinction parce que le soi est sans cesse recouvert par le moi. À chaque instant, on pourrait même, avec la plus grande honnêteté possible, croire qu'on parle de soi, alors qu'en réalité, on est en train de parler du moi. Je pense que tous les psychanalystes, tous les jours, doivent sourire quand ils entendent leurs patients parler du moi, alors qu'ils voudraient sans doute un peu plus que leurs patients leur parlent de soi, et pas de leur moi. C'est-à-dire que le moi, c'est toujours le miroir dans lequel on se mire. Alors que le soi, on ne peut pas se mirer dans le soi. Il n'y a pas de narcissisme du soi. Il n'y a pas de narcissisme du soi parce que le soi, c'est ce qui nous oblige à un décentrage par rapport au moi. Or, il faut être prêt à faire ce décentrage. Ça peut être quelquefois déstabilisateur. Mais il faut accepter cette déstabilisation parce que c'est la condition d'accès à soi. Mais que répondez-vous à ceux qui vous diraient, enfin là, je m'adresse à vous comme si vous étiez porte-parole de cette philosophie indienne, qu'ils n'ont aucune envie d'aller vers ce soi, ils n'ont aucune envie d'arrêter de souffrir et que finalement, ce besoin de spiritualité, de se libérer, ne leur parle pas du tout. Alors, je dirais simplement, voulez-vous souffrir toute votre vie ou est-ce que vous avez un désir de libération ? Si vous avez un désir de libération, et je pense que chaque être humain a ce désir de libération, à ce moment-là, commencez à vous intéresser sérieusement à ce qu'est le soi. Mais on n'éradiquera jamais la souffrance ici-bas. On n'éradiquera jamais la souffrance, c'est vrai. Mais regardez le passage qui était cité tout à l'heure de Little Buddha. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle fascination en Occident pour ces gens comme les bouddhistes ou les gourous ? C'est bien parce qu'ils ressentent en eux une forme de sérénité. Et que cette sérénité, s'ils l'ont obtenue, c'est précisément parce qu'ils ont mis leur moi de côté et que leur moi s'est éteint. Et que plus le moi s'éteint, plus le soi grandit. Dire que c'est effectivement corrélatif. Plus vous arrivez à mettre votre moi de côté, plus c'est le soi qui va l'emporter. Mais est-ce que l'important c'est d'arrêter de souffrir, de parvenir à la suspension de la souffrance, ou de croire que c'est possible d'y parvenir ? C'est comme dans le bouddhisme, hein, c'est peut-être un comme si, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a après, mais si on vit comme s'il y avait quelque chose après, alors ça change la vie. Je dirais que c'est même les... Épicure le disait à sa manière, hein. Tout être vivant fuit la douleur et va vers le plaisir. Ici, ce plaisir, c'est pas le plaisir charnel, justement, ou le plaisir purement matériel, c'est ce qu'on appelle la libération. Mais il y a bien, effectivement, la fuite de la souffrance. On ne voit aucun être humain aller sciemment et délibérément vers la souffrance. Ce n'est pas vrai. Tous les hommes cherchent le bonheur, y compris ceux qui vont se pendre. C'est Pascal qui le dit. Merci beaucoup Marc Balanfa, merci infiniment d'être venu nous initier aux philosophies de l'Inde ce matin. Je renvoie à votre introduction aux philosophies de l'Inde, au vocabulaire des philosophies de l'Inde, aux éditions Ellipse. On vous doit également une traduction et présentation de la Bhagavad Gita en Garnier-Flammarion. Et vous avez collaboré aussi au volume dirigé par Roger Paul Droit, philosophie d'ailleurs, donc sur les pensées indiennes, chinoises et tibétaines, aux éditions Hermann. Merci Adèle Vendrette. À bientôt. À bientôt. Commencer cette émission avec elle, on la termine également. Acha Bosley, Oudi Baba sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Safa. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Alors vous avez comme nous tous vécu le changement d'heure ce week-end, mais peut-être pas si bien que ça, si en tout cas vous voulez vous revenir dessus. Oui, comme tous les Européens, dans la nuit de samedi à dimanche, je suis passée à l'heure d'hiver, c'est-à-dire qu'à 3h du matin, je suis repassée à 2h du matin. Certains diront qu'on a perdu une heure, puisque de 3h du matin, on est repassé à 2h. D'autres diront qu'on a gagné une heure, puisqu'on a eu un deuxième passage de 2h à 3h, et donc une heure en plus de sommeil. C'est-à-dire toujours les mêmes discussions, on n'oublie pas ce week-end, on change d'heure, mais je suis perdue, on perd ou on gagne une heure en fait. Si tout est cependant plus simple maintenant avec les smartphones, où le changement se fait automatiquement et donc presque insensiblement, pourquoi ce passage à l'heure d'hiver ou d'été ne se fait-il pourtant jamais dans l'indifférence? Que se passe-t-il quand on change d'heure? Et si nous regardions le verre à moitié plein? Oui, la nuit prochaine nous changeons d'heure, oui, il fera nuit plus tôt, mais la bonne nouvelle c'est que nous dormons une heure de plus, ce qui veut dire qu'à 3h du matin, il sera... 2h. Ah, la bonne nouvelle. Alors vous vous dites peut-être, mais dites donc, il n'était pas question que ce changement d'heure se termine. Une heure en plus ou en moins et tout vous semble profondément transformé. Deux fois par an, depuis quelques décennies, j'ai l'impression de le vivre différemment. Une fois fatigué, une autre hantée par une sensation de décalage, d'autres à l'inverse, surprise de son peu d'effet sur moi. Alors bien sûr, il faut relativiser, en quelques jours, on a déjà tous oublié. Pourtant, et j'en fais peut-être trop, mais en avez-vous déjà fait l'expérience directe? Avez-vous déjà vu votre réveil passer de 2h59 à 2h ou de 1h59 à 3h? Avoir l'impression folle d'être aspiré dans une faille temporelle, d'être pris tout à coup dans l'angoisse que le temps n'est peut-être pas si fiable, que nos repères n'ont rien de certain, ou au contraire d'être exalté de l'infini des possibles que représente une telle plasticité du temps. Parfois, je me demande comment l'a vécu Proust, sachant que le passage à l'heure d'été a été institué en 1917 en France. Sa temporalité en a-t-elle été modifiée? A-t-il recherché le temps autrement? Même chose pour Bergson. J'ai appris avec lui que le temps du monde est quelque chose d'immuable, divisé en intervalles scientifiques, et que ma durée propre est quant à elle singulière et continue. Qu'aurait-il pensé de ce temps modifié qui choque par là même ma propre durée? Le changement d'heure est en tout cas aujourd'hui menacé de disparition. Un sondage en ligne avait été organisé pour connaître l'avis des Européens. Plus de 80% des répondants se sont dit favorables à la suppression. Le président de la Commission européenne compte bien convaincre le Parlement et il est très confiant. Le Parlement européen a toujours été pas à pas dans cette direction depuis des années. Cela va se faire. Cela n'aurait pas de sens de demander l'avis des citoyens, d'attendre leurs réponses et puis d'agir comme si on n'avait rien entendu. En 2021, tout cela va s'arrêter. Les Européens l'ont décidé. Pourtant, vivre un tel changement d'heure a quelque chose de fou. C'est une expérience temporelle. J'ai évoqué le nom de Bergson et sa distinction entre temps objectif et durée subjective, mais il se produit en fait deux prises de conscience avec le changement d'heure. Celle d'abord à travers tout mon corps, que ma durée subjective, profonde, qui entremêle souvenirs, projets, sensations présentes, reste malgré tout informée par le temps des horloges, des heures, des minutes, des secondes. Mais aussi la prise de conscience que ce temps des horloges ne flotte pas non plus en l'air, il est manié. Au-delà de l'expérience métaphysique, il se produit en effet quelque chose de frappant. Le fait que la loi temporelle, que l'on pense implacable, que l'on pense subir, soit pourtant malléable. Une sorte de patte que les hommes ont le pouvoir de malaxer en fonction de leurs besoins et de manière justifiée et rationalisée, à base par exemple d'arguments sanitaires, écologiques ou économiques. Au fond, et c'est ce que je me suis demandé samedi à 2h59, Bergson avait-il vraiment raison ? Avait-il vraiment raison de dire que ma durée individuelle n'a rien à voir avec le temps objectif et inversement? Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas, souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il l'a vu sa nuit. Imaginez possible la rencontre entre la lune et le soleil, c'était un peu la promesse des changements d'heure. Et la preuve aussi que le temps qui nous semble immuable ne l'est en fait pas, mais aussi la preuve d'un renversement. Et oui, pour une fois, le temps n'est pas extérieur à nous, comme l'a dit Bergson, il ne file pas sous mes yeux, il ne m'écrase pas de son poids, il semble plutôt, malgré mes lamentations, se faufiler à travers moi. Je l'expérimente concrètement, je le mêle même à ma durée. Et si je pensais le subir ou m'en extraire, j'ai ici la preuve que je peux moi-même l'inventer. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda, en compagnie de Manon de la Selle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Théo Gomard à la prise de son ce matin, Georges Oclès à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur la spiritualité. Demain, on parlera de chamanisme, cette expérience de l'invisible en compagnie de Charles Stepanov. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur la philosophie indienne en compagnie de Marc Balanfin. En vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie, vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram où nous attendons vos remarques et vos commentaires. On se retrouve demain donc à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.